Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Bien, je dirais d'abord, pour l'avoir bien connu vraiment, que c'était un homme politique d'une envergure et de l'intelligence exceptionnelle. Cette semaine, meurtre à Stockholm. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un complot. Ce crime n'a été perpétré que par une seule personne. La mort d'Olof Palme. La mort a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. Après 21 mois d'enquête sur l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, la police suédoise décide de frapper un grand coup et d'offrir une récompense des plus alléchantes pour retrouver le ou les responsables de ce meurtre. Les enquêteurs s'en tiennent à la même théorie depuis 15 ans. C'est le jour où nous retrouvons Irène Chaland qui programme, choisit avec efficacité ô combien la multitude dans la multitude des documentaires qu'elle a l'occasion de découvrir au fil des marchés et des festivals. Cette semaine, vous l'avez vu, nous avons évoqué le cas de Olof Palme. Vous avez entendu un grand nombre d'extraits de ce documentaire. Mais on va demander à Irène Chaland qui est avec nous, quelle occasion elle a découvert ce documentaire. Je l'ai découvert grâce à vous, Jean. Je l'ai découvert de par votre travail avec Michel Noll, un producteur, distributeur de films allemand établi à Paris depuis des années. Et vous aviez mis en onde sa magnifique série « Les assassinats politiques » que nous avons aussi diffusée à la télévision suisse romande et qui est à la base de cette collaboration entre la radio et la TV. Michel travaille avec la chaîne VDR basée à Cologne. Dites-nous un peu ce que c'est cette chaîne. C'est la Westdeutsche Rundfunk. C'est un peu, je dirais, pour toute la région de Cologne. Elle est à cette région d'Allemagne, ce que la télévision suisse romande est à la Suisse romande. C'est une chaîne publique qui a une rédaction qui fait des documentaires formidables, d'une qualité au niveau de l'enquête journalistique reconnue internationalement. Et Michel Noll a coproduit ce film sur l'assassinat de Olof Palme. La télévision suisse romande et la télévision tessinoise, TSI, nous l'avons cofinancé. Extrait de Meurtre à Stockholm, un documentaire signé Klaus Knapp et Burkhard Nagel. Le photographe de presse, Aki Malmström, écoute constamment les communications radio de la police pour être rapidement sur les lieux lorsqu'il arrive quelque chose. Sur son scanner radio, il intercepte une conversation de Takiwaki. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai branché mon téléphone et ma radio comme d'habitude. Puis j'ai entendu cette conversation. Salut là-haut, comment ça va? Il fait froid, a répondu quelqu'un. Et puis la première voix a dit: le premier ministre a été abattu. Puis plus rien. Pas un son. Les communications radio ont joué un rôle important cette nuit-là. Il y a d'autres hommes avec des talkie-walkie et deux d'entre eux sont à portée de vue de l'endroit du crime. Depuis l'instant où Olof Palme a quitté le cinéma, plus de 12 hommes louches ont été signalés. La trace de l'assassin disparaît d'ailleurs non loin d'un groupe d'hommes munis de talkie-walkie. Il est 23h25. À 500 mètres du lieu du crime, le bus 43 approche de l'arrêt de bus Erik Bersgatan. Deux hommes nerveux et essoufflés l'attendent. Ils ont un comportement étrange. Plus tard, le chauffeur de bus ainsi que deux passagers les identifieront. Il s'agit de Thomas Lind et Nils Holm. Le même Thomas Lind repéré 7 minutes auparavant rue Sveavägen. Nils Holm est également policier. Ces deux hommes appartenaient à une escouade de police spécialisée dans la petite criminalité et surnommée la Ligue de baseball. Je m'appelle Burkhard Nagel, je suis rédacteur auprès de la NDR, la Norddeutsche Rundfunk, à Hambourg. Je suis actuellement responsable du magazine Media Zakt, qui est diffusé à la télévision NDR. Avant, j'étais responsable de toute l'information pour la télévision NDR. Et vous travaillez pour le service public ? Oui, je travaille pour NDR, une télévision officielle publique rattachée au programme ARD, qui est en fait la première télévision allemande. C'est le troisième programme alémanique. Quel est aujourd'hui, pour un réalisateur comme vous, le rôle réel que le service public peut jouer par rapport à l'évolution des médias ? Un documentaire comme celui que vous avez réalisé est-il typique d'un travail que seul peut-être le service public est en mesure encore aujourd'hui de montrer ? Je pense que la télévision est toujours le média qui a le plus de crédibilité. Évidemment, la télévision est dominante en ce qui concerne le documentaire par rapport aux autres médias, ne serait-ce que parce qu'il y a les images, et c'est évidemment beaucoup plus fort que, par exemple, la radio. Mais, en revanche, la télévision n'est pas aussi rapide que la radio. Elle l'est, mais pas tant que cela. Elle s'est donc habituée à faire de plus en plus de l'information en direct. Justement, dans une télévision officielle, dans une télévision de service public comme NDR, l'avantage, c'est que plus ça va, plus nous avons de reportages en direct. Nous avons des correspondants sur place en permanence, nous avons des studios dans le monde entier qui nous permettent de couvrir rapidement les événements. Toute la différence est là, en fait, dans le fait d'avoir en permanence des envoyés spéciaux sur place, alors qu'en revanche, les privés n'envoient des journalistes sur place que dès qu'il y a quelque chose de grave ou d'important à couvrir. La Suède, même si nous l'évoquons depuis le début de la semaine, n'est pas un pays au devant de l'actualité. Comment un réalisateur allemand en vient-il à s'intéresser à un sujet suédois ? La réponse du docteur Burkhard Nagel. En fait, nous sommes deux avec Klaus Knapp, co-auteur, à avoir choisi ce sujet. J'ai plus d'expérience dans le domaine de la télé, alors que Knapp a plus d'expérience dans la recherche et la rédaction. Knapp a écrit un dossier pour Die Zeit, le Temps, qui contenait déjà une grande partie de la matière du documentaire. Knapp est journaliste, mais aussi responsable d'une société de taxi. C'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la Suède et qui a, depuis le départ, depuis le meurtre de Olof Palme, récupérer tous les détails, toutes les infos qu'il trouvait à ce sujet dans les journaux, à la télévision. Et suite à cette somme d'informations, il a fait un listing très détaillé, ce qui s'est passé pendant la nuit du meurtre, qui faisait quoi, qui était où. Il a aligné toutes ces infos et il a préparé un dossier. Et quand j'ai lu ce qu'il a écrit, j'ai pensé que c'était un sujet pour faire un documentaire à la télévision. Und habe gedacht, dass man dieses eigentlich fürs Fernsehen umsetzen müsste, und das haben wir dann zusammen gemacht. Hans Olvebro a dirigé l'unité chargée de l'enquête pendant longtemps, 9 ans. Dès le départ, sa position a été la suivante. Nous devons nous intéresser objectivement à tous les mobiles possibles. La seule piste que je me refuse cependant à suivre est celle qui mène aux forces de l'ordre. À l'époque, nous avons mené cette enquête en toute objectivité. Et nous avons fait suffisamment de progrès pour pouvoir affirmer qu'il n'y a pas eu de complot. En ce qui concerne la piste des policiers, il y a toujours une sorte d'aversion du public pour la police. Toutes ces accusations sont infondées et ne correspondent en rien à la réalité. Dans ce cas, comment explique-t-il l'attitude très étrange des policiers en patrouille la nuit du meurtre, ainsi que la falsification de plusieurs documents? Mon travail ne consistait pas à enquêter sur la police. Je devais arrêter le meurtrier d'Olof Palm. Ne voit-il aucun lien entre le meurtre d'Olof Palm et les forces de police? La Suède est une grande démocratie. Par conséquent, nous avons une police démocratique et efficace. La moitié des membres de la police sont sociaux-démocrates. Nous croyez-vous capables, en tant que démocrates, de tuer notre propre Premier ministre? Nous sommes là pour protéger les citoyens. IKEA King ou le roi IKEA par Bendik Offset. Norvégien d'origine, il dénonce avec ironie le monopole culturel et stylistique du grand fabricant de meubles suédois, ainsi que l'impérialisme économique en général. I travel here and there and everywhere, looking for the sign that we can share, picking up ingredients for my show. Born again ideas come around, born again commercials spread all over town. I am the IKEA king, the songs I hum you will sing. We're singing. Sleep under my bed. Imperialism is the shit on which I tread. Cause I am the IKEA king. The songs I hum you will sing. We're singing. I am the IKEA king. I've got the hips to make you swing. That's new. I'll bring you modernism, taboism, exotism too. Cause in a world of constant change, we all need a helping hand. In a world of constant change, a man of power understands the signs of the times, you know. With the flow. Cause I am the IKEA king. The songs I hum you will sing. We're singing. I am the IKEA king. I've got the hips to make you swing. Pour cette dernière journée consacrée à l'assassinat d'Olof Palme, premier ministre suédois tué en février 1986, nous poursuivons l'entretien avec le docteur Burkhard Nagel, co-auteur avec Klaus Knapp de Meurtre à Stockholm. Nous l'avons vu, bien des pistes ont été évoquées quant à l'assassin qui, au jour d'aujourd'hui, n'a toujours pas été identifié. Le film, quant à lui, démontre par une succession de faits combien la police suédoise a eu dans cette affaire une attitude des plus intrigantes. Nous retrouvons Burkhard Nagel. Das ist ja so, dass wir nicht so sehr in dem investigativen Bereich selbst recherchiert haben, im Sinne jetzt von... En fait, nous n'avons pas agi comme des détectives privés, nous n'avons pas cherché à faire nous-mêmes des investigations. Nous avons essayé de rassembler tous les faits qui existaient déjà. Et puis, suite à cela, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de contradictions et de questions auxquelles nous avons tout simplement essayé de trouver des réponses. Ensuite, nous avons essayé de faire des interviews auprès de la police suédoise, auprès de personnalités politiques, également auprès des membres de la famille d'Olof Palme. Mais ceux-ci ont répondu, disons, avec difficulté. Ils nous ont donné des réponses partielles, ou parfois même pas de réponses du tout. Nous avons constaté que cela aurait pu être, disons, au détriment de certaines personnes. C'était par exemple ce qui s'est passé avec le fils d'Olof Palme, qui craignait d'avoir des représailles s'il répondait. En fait, c'est le principal problème auquel nous nous sommes confrontés. Nous voulions faire un reportage avec ceux qui existaient déjà et pas faire une enquête de nous-mêmes. Die eigene Recherche begonnen haben, sondern dokumentarisch zusammengesetzt haben, was es an Informationen tatsächlich gibt. Oui, c'est bien lui. Êtes-vous certaine? Oui. N'y a-t-il pas l'ombre d'un doute? Non. Avec ces quelques mots qui devraient être décisifs pour l'issue du procès, Lisbeth Palme, la veuve du premier ministre assassiné, a reconnu l'accusé Christer Peterson comme étant l'homme qui se trouvait sur le lieu du meurtre le soir du 28 février 1986. Haben wir versucht? Oui, alors nous avons essayé effectivement de contacter la veuve d'Olof Palme, mais nous n'avons pas obtenu d'interview d'elle. De toute manière, elle n'a jamais donné d'interview. Elle a uniquement dit au tribunal qu'elle avait reconnu Christophe Peterson comme étant le meurtrier unique. Mais dans ses propos, dans ses dires, il y a quand même beaucoup, beaucoup de contradictions. Par la suite, on a essayé de contacter le fils d'Olof Palme qui nous a répondu que de son côté, il ne se sentait pas capable psychiquement de répondre à nos questions. 10 ans après le crime, il ne s'en sentait pas capable. Nos questions étaient pourtant tout à fait simples. Nous lui aurions demandé par quels moyens de transport ou avec qui était-il rentré à Stockholm la nuit du meurtre alors qu'il passait ses vacances en Suisse, des questions comme ça. En fait, il aurait pu répondre simplement, mais il a refusé tout bonnement en invoquant des problèmes psychologiques. Dernière question que nous avons posée à Burkhard Nagel, son sentiment réel et personnel par rapport à cette affaire. Pense-t-il à l'assassinat crapuleux, au crime politique ou au complot? Burkhard Nagel. Es beeindruckt einfach ja dadurch, dass es diese riesige Zahl von... Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a vraiment des choses bizarres et des choses bizarres au sein même du fonctionnement de la police. Des choses bizarres, des choses exceptionnelles. C'est vraiment très curieux. Ce qui fait que c'est en fait vraiment très difficile de penser au simple hasard. Il y a par exemple eu des policiers qui ont travaillé 24 heures non-stop. Il y a d'autres policiers qui ont échangé leur poste de travail. Je peux vous citer également un autre policier qui a quitté l'hôpital malgré les recommandations des médecins. Comme par hasard, le policier qui a été libéré de l'hôpital habitait dans la même rue où le tueur a pris la fuite, etc. etc., etc. Il y a des voitures de police qui ont dévié de leur course normale, comme par hasard cette même nuit. Comme par hasard également, il y a eu des policiers qui ont travaillé dans la centrale d'information téléphonique et qui ont soit, disons, travaillé de façon extrêmement mauvaise, soit ils ont retenu peut-être, ils ont caché des informations. Toujours est-il qu'ils ont pris de mauvaises décisions à plusieurs reprises. Il y a comme ça au moins une cinquantaine, peut-être même une soixantaine de détails, d'erreurs que la police a accumulées cette nuit-là. Et toutes ces erreurs laissent à penser que cette ligue de baseball, cette organisation d'extrême droite à laquelle nous faisons amplement référence dans le documentaire, eh bien cette organisation pourrait très bien avoir organisé d'elle-même quelque chose contre Olof Palme, ou alors les gens de cette ligue ont peut-être été utilisés par la police pour monter ce complot. Bien sûr, nous n'avons aucune preuve, mais c'est quand même une supposition, parce qu'à l'époque en Suède, il y avait, disons, une collusion assez forte entre sociaux-démocrates et extrême droite, et cette liaison n'a jamais posé, au fond, de véritables problèmes idéologiques. Durchaus möglich ist und offenbar gar kein Widerspruch darstellt. Le chef de la police à cette époque, qui a fait toute l'enquête, était une figure importante au sein du groupe social-démocrate, et en même temps c'était le fondateur de ce groupe d'extrême droite. Le lendemain du meurtre, le jour même après le meurtre, c'est ce chef lui-même qui a pris en charge cette enquête de son propre fait, et il a commis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, certaines fatales. Il a pris des décision irréversible qui laisse beaucoup de doutes sur l'heure d'arrivée de la première voiture de police ou encore sur le positionnement des balles trouvées sur place et aussi sur quant aux indications sur le lieu où le chef de la police dit s'être trouvé au moment du meurtre. Enfin, tout ça laisse penser à une sorte de manipulation. Notamment l'ambassadeur suédois en France qui a également déclaré qu'il se trouvait à Paris et depuis il est revenu sur ses déclarations. Money, Money, Money, peut-être l'un des rares titres engagés du groupe ABBA, qui nous raconte que sans argent, l'on n'est rien. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too money. écoutez Histoire vivante en compagnie aujourd'hui des deux réalisateurs du film Meurtre à Stockholm, l'assassinat de Olof Palme. Comment les Suédois ont-ils réagi à ce film, s'ils ont pu le voir ? Eh bien, nous avons eu beaucoup de contacts avec les journalistes suédois qui avaient fait partiellement leur investigation. Nous avons proposé ce film à la télévision suédoise, laquelle a refusé, sous prétexte qu'il y avait dans le documentaire des divulgations de noms qui n'étaient pas acceptables. Également au niveau du droit, ce n'était pas possible de diffuser cela en Suède. Da gäbe es rechtliche Probleme, das haben wir akzeptiert, klar. Der Film ist dann sozusagen in den Kreisen dieser. Par la suite, nous avons présenté le film à des petits groupes de journalistes suédois. Mais ceci dit, les téléspectateurs suédois ont quand même pu regarder ce reportage par le satellite, avec toutes les questions encore ouvertes qui n'avaient jamais été posées. Warum dringende Fragen nicht gestellt worden sind und dieses Zusammentragen der vielen Fakten. Nous avons, nous de notre côté, posé par la suite la question aux journalistes suédois, à savoir pourquoi eux-mêmes n'avaient pas fait leur propre enquête. In dieser geballten Version so in Schweden nicht gezeigt worden. Und wir haben dann schwedische Journalisten gefragt, warum habt ihr sowas, so einen Film nicht gemacht? La réponse des journalistes suédois est la suivante, c'est que pour eux, ça ne fait pas partie de leur habitude de poser des questions de cette manière. Ils ne font pas, en fait, généralement de travail d'investigation. Ils travaillent directement avec la police et ils diffusent directement leurs infos. C'est une collaboration directe entre la police et les journalistes et c'est une tradition de longue date en Suède. Im Hinblick in der Zusammenarbeit mit der Polizei gäbe es halt eine lange Tradition in Schweden, die eher die Berichterstattung über polizeiliche Arbeit in der Form von Zusammenarbeit sieht und nicht so sehr in einem kritischen Hinterfragen. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un complot. Ce crime n'a été perpétré que par une seule personne. Les enquêteurs s'en tiennent à la même théorie depuis 15 ans. Peut-on tirer des conclusions des erreurs de l'enquête ? C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la radio suisse romande, Alain Freudiger. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistante de production, Danielle Zacker. Une émission de Jean Leclerc. Merci à Karine Lembachner et Corinne Rocha pour leur participation. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.